À midi 30 minutes, ici Dominique Lelièvre pour les informations. Louis Fortier est nommé directeur scientifique de l'Institut nordique du Québec. Le biologiste et océanographe a participé à plusieurs expéditions dans le Nord à bord de l'Amundsen. Il dirigera désormais l'Institut nordique du Québec qui se consacre à l'étude du Grand Nord en collaboration avec les universités Laval, McGill et l'Institut national de recherche scientifique. L'annonce a été faite ce matin en présence du recteur de l'Université Cité Laval, Denis Brière, qui a également procédé au lancement de trois nouvelles chaires de recherche. Rappelons que l'Institut attend toujours une subvention du gouvernement fédéral pour débuter la construction d'un nouveau pavillon à l'Université Laval. Le gouvernement du Québec a pour sa part déjà promis la somme de 30 millions de dollars. Plus d'une décennie après l'éclatement du scandale des commandites, l'un de ses acteurs clés, Jacques Corriveau, a été reconnu coupable de toutes les accusations qui pesaient contre lui. L'ex-organisateur du Parti libéral du Canada a été déclaré coupable de trafic d'influence, de fabrication de faux documents ainsi que de blanchiment d'argent. Le verdict a été rendu par un jury de 4 femmes et 8 hommes après 6 jours de délibération et un procès qui a duré 7 semaines. Proche ami de l'ex-premier ministre Jean Chrétien, l'homme de 83 ans, avait été désigné par le juge Gomery comme étant l'acteur central d'un dispositif qualifié de bien huilé de peau de vin. Jacques Corriveau s'expose à une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans. Enfin, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, dénonce à son tour la surveillance policière à l'endroit des journalistes. Le premier ministre du Québec a statué que la liberté de presse est un socle fondamental des sociétés démocratiques. Il a promis d'aborder la question avec les partis d'opposition. Rappelons que le quotidien La Presse révélait lundi que son chroniqueur, Patrick Lagacé, avait été espionné par le service de police de Montréal qui cherchait à identifier les sources de fuite. Le Journal de Montréal a par la suite avancé qu'au moins 3 autres journalistes avaient aussi fait l'objet d'une enquête au SPVM. Dans une lettre commune publiée ce matin, les dirigeants des principales salles de nouvelles du Québec ont demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir la protection des sources journalistiques. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. On a 3 degrés présentement, c'est généralement nuageux. Le mercure qui va grimper jusqu'à 8 degrés cet après-midi. Ce soir et cette nuit, quelques averses qui vont se changer en bruine intermittente vers minuit, minimum plus 5. Demain, mercredi, nuageux avec 40% de probabilité d'averse et un maximum de 10 degrés. De la pluie intermittente jeudi également et le retour du soleil programmé pour vendredi.